France Culture, Philippe Garbi, Alban Penaranda, Christine Goémé, Hassan Mbéchour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30. Nuit spéciale consacrée à Robert Desnos. Il y a 70 ans cette année que le poète Robert Desnos est mort du typhus au camp de concentration de Térézine. C'était le 8 juin 1945, un mois jour pour jour après la signature de l'armistice. Il avait 44 ans. Cette mort a stoppé net une œuvre qui était déjà inouïe, tant par sa beauté et sa diversité que par son ampleur. Pour nous guider dans cette œuvre et donc rencontrer son auteur, nous avons la chance d'être accompagnés cette nuit par Marie-Claire Dumas, qui connaît cette œuvre mieux que quiconque. Bonsoir Marie-Claire Dumas. Cette œuvre, vous l'éditez en quarto par exemple chez Gallimard, vous la commentez et en faites un objet de pensée et de connaissance, comme dans votre livre « Desnos ou l'exploration des limites » paru chez Klingsic en 1980. Bonsoir Jacques Frankel. Bonsoir Christine Goémé. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'ayant droit de Robert Desnos, détenteur du droit moral. Vous avez connu Robert Desnos. Est-ce que vous pouvez nous en faire un portrait? Écoutez, ça serait un peu usurpé parce que la dernière fois que je l'ai vu, j'avais 6 ans. Je me souviens parfaitement des quelques derniers entretiens que nous avons eus. C'était à quelle occasion? Eh bien, c'était un ami de mon oncle, c'était un ami de mon père. Donc Théodore Frankel, Théodore Frankel, mon oncle, Vladimir, mon père. Et donc, Desnos, c'était un des rares, nous vivions dans la clandestinité, un des rares qui avait la possibilité de venir nous voir. Et moi, je vivais un peu reclus et j'avais cette chance inouïe dans cette situation qui aurait pu être encore plus malheureuse, que cet homme vienne, me prenne sur ses genoux et me raconte des histoires. Donc je suis quand même un enfant gâté. Oui, c'est voilà. Vrai, ça. Vous avez eu de la chance. Oui. Il vous racontait des histoires issues des livres, des histoires qu'il inventait. Ça, Christine, j'aimerais vous le dire, j'ai vraiment souvenir. Hélas, je ne m'en rendais pas compte que c'était un vrai trésor qui rentrait dans mes oreilles. Oui. Et en plus, je l'ai appris par la suite, Desnos, vous savez, dans son activité de résistant, avait celle de faussaire. Et il a fait des faux papiers pour la famille, qui nous ont permis de passer indemne dans les rafles. Alors j'ai appris, en vous lisant d'ailleurs Marie-Claire Dumas, que parmi ceux qui étaient venus arrêter Desnos, il y avait un officier allemand qui était tout à fait désolé, parce que lui était un officier, il n'était pas policier. Oui. Et donc, il a laissé passer quelque chose, enfin, une liste. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? C'est Yuki, hein, dans les confidences qu'elle a écrites dans les années 56, qui évoque cet épisode, qu'en effet, malgré les précautions que Desnos avait prises d'éliminer de ses documents, livres, etc., tout ce qu'il estimait dangereux parce qu'il sentait qu'il risquait d'être arrêté, avait laissé tout de même, dans une reliure de livres, une liste de noms. Et cette liste de noms, c'était au fond la liste des personnes et avec qui il était en contact dans ses activités de résistance. Ça commençait par Aragon. Et ce papier est découvert par l'un des sbires qui fouille sous la direction de l'officier allemand. Et Desnos n'est pas à proximité, il est juste dans son petit recoin en mezzanine. Et le sbire dit à l'officier allemand, j'ai trouvé ça. Et l'autre dit, ah oui, c'est une liste de noms. Et Desnos répond, ah ben oui, c'est la liste, vous avez trouvé la liste des écrivains avec lesquels, ou des éditeurs avec lesquels j'ai des rapports pour l'édition de mes œuvres et pour la critique que je peux porter sur ces œuvres. L'officier allemand, finalement... Qui avait visiblement compris tout de même. Il avait compris tout à fait, a gardé le papier. Voilà. Marie-Claire Dumas, vous pouvez peut-être nous présenter cette œuvre. Alors je sais que c'est un exercice impossible, vu sa variété, poèmes, bien sûr, mais aussi romans, cinéma, dessins, correspondances, enfin, etc. Mais vous pouvez peut-être nous parler de son mouvement intérieur. Si vous écrivez, par exemple, que l'écriture de Desnos, c'est une perpétuelle expérimentation, ou encore que c'est une écriture qui crée, écrit le désir par son verbe. Oui, mais je confirmerai, si vous voulez, c'est que Desnos, très jeune, il avait 16 ans, a déclaré sa vocation de poète. Donc, il a finalement entamé sa vie active à travers cette idée qu'il voulait être poète, et un poète qui était en écho, qui entendait tout ce qui, dans son époque, était en train de se manifester, le cinéma, le disque et tout ce qui était innovation du point de vue poétique. C'est comme cela qu'il a rencontré le mouvement surréaliste et qu'il en a été une des voix fortes au début du mouvement. Jusqu'à sa rupture avec Breton. Oui, une rupture qui date quand même des fins des années 20. 1928, hein, je crois, c'est ça. Plus tard. Officiellement, ils se sont brouillés en 1929 et cela a été déclaré officiellement par Breton dans le second manifeste du surréalisme, auquel d'ailleurs Desnos a répondu par un troisième manifeste du surréalisme qui était son propre manifeste, mais qui était très clairement ce qui a toujours été la ligne de Desnos. Je suis poète, je suis un poète qui est libre et qui poursuit son chemin, qui est une perpétuelle expérimentation à partir donc de ce que les circonstances proposent. C'est donc, en effet, je maintiens, quelqu'un qui a toujours expérimenté, mais qui n'a jamais oublié l'expérience première, qui était l'expérience surréaliste d'une écriture libre, d'une écriture un peu insurgé. Oui, au fond, il a rompu avec Breton au moment où celui-ci commençait à s'engager dans le parti, quoi. Oui, la rupture a été assez précoce, finalement, et parce qu'il y a eu des affrontements quand Breton a mis fin aux expériences de sommeil hypnotique. Ça, c'est 1923. Mais c'est vraiment au moment où le groupe surréaliste avec Breton, Aragon et Éluard décide d'entrer au Parti communiste, que Desnos déclare « Moi, je n'entrerai dans aucun parti », et ça a été son cas. Il n'est entré dans aucun parti, il a pu se rapprocher des communistes, par exemple, mais il n'est jamais rentré au parti. Et il restait ami avec Bataille, par exemple. Il est même, on peut dire, que cette rupture avec Breton a marqué un choix de Desnos de se mettre du côté de ceux qui avaient été rejetés, Bataille, Léris et d'autres. Ils ont fait donc groupe avec, en prenant appui sur la revue inaugurée par Bataille, la revue Documents. Mais Desnos était aussi indépendant à l'égard de Bataille. Ce qui est très important, c'est qu'il est très soucieux de son propre chemin. Il rencontre, il s'appuie, mais il reste indépendant. Alors, il a eu quand même une relation très forte avec l'œuvre de Marcel Duchamp. Et notamment, c'est de cette rencontre avec Duchamp que naissent Les Roses et la Vie, Jacques Frankel. Oui, ça correspond un peu à l'état d'esprit de Duchamp, qui était un maître sur le jeu des lignes, sur le jeu des mots, et je crois que Desnos a beaucoup apprécié. Puis déjà, il y avait le nom de Rose et la vie qui l'a accaparé, enfin, sans que ça crée le moindre problème avec Marcel Duchamp, mais enfin, Rose et la vie était un peu la compagne de Duchamp, et il l'a volontiers cédé à Robert. Mais alors, est-ce que Rose et la vie a existé ou non? Rose et la vie, c'est évidemment une dame de lettres. C'est une dame de lettres, mais... Une dame fabriquée par le jeu de mots. Mais on raconte que... Oui, je ne sais pas ce qu'on raconte, mais peut-être que je le sais, mais j'ai oublié. Mais en tout cas, il est vrai que Duchamp, qui n'hésitait devant lui aussi aucune expérience, s'est mis lui-même à se déguiser en Rose, c'est la vie. Et cette Rose, c'est la vie, il l'a fait photographier. C'est-à-dire, il s'est fait photographier en image de Rose et la vie. C'était Rose et la vie, c'est quand même Marcel Duchamp au départ. Bien sûr. Et il faut bien dire que Desnos... Marchand du sel. C'est marchand du sel, selon le jeu de mots de Desnos, oui. Qu'est-ce que vous aimez lire de Rose et la vie? Vous pouvez nous en donner quelques-uns? Je les lis souvent, comme ça j'en prends un par-ci, un par-là. Alors aujourd'hui, ça sera par exemple Rose, c'est la vie, a visité l'archipel où la reine Irène, sur les flots de sa rame de frêne, gouverne ses îlots. Voilà, donc ça nous donne un peu plus d'ouverture sur qui était Rose, c'est la vie. Et on pourrait aussi poursuivre, puisque nous venons de parler de la rupture avec Breton. André Breton serait-il condamné à la tâche de tondre en enfer des chats d'ambre et de jade? C'est très beau. Voilà. Une autre encore, allez. Une autre pour terminer. Alors, une autre, ça serait, oui, elle est un peu plus vive. Oui, très bien. Rose, c'est la vie, n'est pas persuadée que la culture du moi puisse amener la moiteur du cul. Très joli. Merci beaucoup, Jacques Franquet. Marie-Claire Dumas, dans votre livre, vous dites, livre que vous avez publié chez Klingsic, vous posez la question suivante. Comment, en éprouvant les pouvoirs du langage, Desnos a-t-il réussi à y maintenir à l'œuvre, manifester, caché, travesti, le mouvement éruptif du désir? Dans quelle mesure les variations ou distorsions auxquelles il soumet le matériau linguistique et ses formes lui permettent-elles non seulement de figurer son désir, mais aussi de lui donner dans le texte même un support de jouissance? Mais en fait, quand même, c'est cette matrice qu'il lit et qui fait fusionner au fond ensemble et le désir et l'écriture a été tenue, soutenue, portée aussi par le mouvement surréaliste, justement. Absolument, mais Desnos a eu sa manière à lui de le faire, hein, en particulier au moment où il a fait, si j'ose dire, une éruption forte dans le mouvement surréaliste, c'est-à-dire en 22-23. Eh bien, c'est à la fois par les manifestations orales dans les sommeils hypnotiques et aussi son écriture dans les sommeils. Mais d'autre part, ce qu'il voit d'évidence, c'est que jouer avec la matière verbale provoque une jouissance qui est une jouissance de l'ordre de l'érotisme. Et il a une formule qu'aimait particulièrement Michel Léris, les lois de nos désirs sont des dés sans loisirs. Bien, il y dit bien là, mais grâce à, si vous voulez, l'opportunité des mots, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre, un corps à corps, si j'ose dire, verbal, entre le poète et ses mots. Et s'il y a un héritier de ce travail, c'est Michel Léris qui est l'héritier, qui a lui-même repris cette idée que le travail sur les mots, c'était un travail sur son propre désir. Naturellement, nos auditeurs savent que dans nos nuits spéciales, nous entendons des archives. Vous avez choisi des archives, Marie-Claire Dumas, et donc nous comptons sur vous et sur vous, Jacques Franquel, pour nous les présenter. Donc la première émission s'intitule « Aux sources de la nuit », Robert Desnos. Il y a deux volets, « Le promeneur de la nuit » d'un côté, et puis Desnos, « Le veilleur de la nuit ». On sait que Breton disait de Desnos, nul comme lui n'aura foncé la tête baissée dans les voies du merveilleux. Voilà. Alors la nuit pour Desnos, il y a plusieurs nuits au fond. Hein. Desnos n'a pas qu'une nuit. Il y a évidemment la nuit des sommeils hypnotiques. Il y a toutes sortes de nuits. Il y a la nuit de l'érotisme, il y a la nuit du désir, il y a la nuit de l'écriture, du poème. Enfin, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont toutes ces nuits, les nuits de Desnos, Jacques Franquel, Marie-Claire Dumas? Je pense que la première nuit dans laquelle Desnos a baigné de manière jouissive, c'est la nuit du cinéma. Donc, enfant jeune encore, hein, dans les années 1912-13-14, il voit les films Les Vampires, Fantomas, et ce qu'il voit, c'est que à la fois c'est animé, vivant, et en même temps totalement onirique. C'est donc cette fascination d'un monde réel onirique qui va fonder ensuite sa manière propre à lui d'être surréaliste. Pour lui, c'est ça qui va être son moment, son lieu de création. La nuit est aussi celle de l'imagination nocturne, c'est-à-dire de la veille, du sommeil, de l'entre-deux. C'est tout ce qu'il se raconte comme histoire. Se passe toujours, est évoqué à l'intérieur de la nuit. Et quand même il va jusqu'à halluciner la présence, une présence féminine qui vient le voir régulièrement, c'est évidemment en pleine nuit que cette dame fantasmée, mais quasiment réelle, il va même jusqu'à désirer la tuer, s'approche de lui. Donc il est pendant la période surréaliste en particulier, devant l'incarnation du fantasme et du rêve, et ceci particulièrement dans le milieu nocturne, d'où des recueils comme « À la mystérieuse » ou « Les ténèbres » par exemple. Oui, mais il y a aussi la nuit qu'on lit dans « Fortune » par exemple, ou dans tous les poèmes parus dans le domaine public en 1953. Et puis enfin, les nuits qu'on trouve dans Calixto, et dans Contrée, qui sont d'autres nuits encore, Marie-Claire Dumas. Oui, ce sont d'autres nuits parce que les circonstances ont changé, bien qu'il n'ait pas renoncé à la nuit première. Ben, il y a la nuit la plus profonde, je crois que c'est la nuit des nuits sans amour, « The Night of Loveless Nights ». Oui, absolument. Qui vraiment exprime la souffrance. Qu'on va entendre dans l'archive d'ailleurs. La souffrance de l'homme qui n'est pas aimé. Et donc qui le plonge dans les ténèbres absolues. Je crois que ça, c'est un des textes les plus évocateurs de ce qu'étaient les nuits pour Desnos, à la fois des moments de rêve, d'érotisme et de tragédie. Deuxième émission, deuxième archive que nous allons entendre cette nuit, un hommage à Robert Desnos dans la soirée de Paris intitulée « À ciel perdu » et dans lequel naturellement nous allons entendre des grands amis de Desnos comme Henri Janson par exemple, Madeleine Renaud ou des gens qui ont fréquenté Desnos comme Jean Cocteau, mais surtout alors ce qui va être très intéressant, c'est que la personne qui fait le fil conducteur de cette émission s'appelle Yuki. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Yuki, Jacques Frankel? Écoutez, j'ai très peu connu Yuki parce que après la période de la guerre, certes, l'occupation, la guerre, elle est restée proche de mes parents. Moi, j'étais très intimidé par cette femme qui était encore très belle, mais j'étais un petit enfant, et donc j'écoutais, je regardais, et puis on m'a dit c'est la femme de Robert, mais on ne m'avait pas encore appris quel avait été le sort de Robert, donc... Il l'avait épousée? Non, il n'a jamais épousée. Il n'a pas pu. Elle n'était pas divorcée. Oui. Elle n'avait pas divorcé de Fujita. Ah, elle était toujours avec Fujita. Et Robert demandait intensivement à Yuki de mettre fin à son lien conjugal avec Fujita, mais Fujita n'était jamais là pour régler la question. Elle a eu de la chance. Enfin, un grand peintre, puis un grand poète, comme amant, mari et amant. C'est... Robert avait en tout cas souhaité, en particulier à partir du moment où ils ont vécu ensemble, qu'elle se fasse appeler Yuki Desnos. C'était une manière pour lui de manifester leur couple. On va juste écouter sa voix dans un texte de Desnos. Le gardénia. Dans un jardin en Angleterre, il était un gardénia. Pour en fleurir sa boutonnière, un vieux lord se l'appropria. Depuis, au jardin, il n'y a plus de gardénia. Le kangourou. Kangourou premier, roi des kangourous, ayant accroché son grand sable au clou, s'assoit dans un trône en feuille de chou. Sa femme arrive en pleine de courroux, dans sa poche a mis ses fils et ses sous, ses gants, son mouchoir et ses roux doudous. Kangourou dernier, roi des kangourous, avait les yeux verts et les cheveux roux. Sa femme peignait son royal époux. Kangourou le roux, roi des kangourous. Kangourou dernier, kangourou le roux. Oui, Marie-Claire Dumas. Yuki vient après une autre femme intéressante par ailleurs, Yvonne George, qui arrachait des larmes à tous ceux qui l'écoutaient, une chanteuse réaliste. Oui, Desnos en est tombé profondément amoureux, mais tout de suite dans une relation amoureuse qui faisait beaucoup de place aux fantasmes, aux rêves. Ce qu'il y avait entre eux, c'est que Yvonne George était de santé fragile. Et surtout, s'adonnant à la drogue, avait besoin de drogue. Et elle était héroïnomane. Elle est allée jusqu'à être héroïnomane et d'ailleurs, elle en est morte. Elle en est morte très jeune, hein, en 1920. 1929, elle disparaît. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Robert a déjà rencontré, parce que c'était le même milieu, a rencontré Yuki. Et l'une autant représentait le rêve, l'étoile de music hall aussi, l'étoile comme Jenny Colomb pour Gérard de Nerval. Yuki va représenter la femme réelle, d'un érotisme intense, et aussi d'ailleurs d'une grande difficulté à rester, disons, proche et fidèle. Oui, c'est, mais elle l'a fait beaucoup souffrir. Elle l'a fait souffrir, mais il l'avait choisi ainsi. Je pense que Desnos savait ce qu'il faisait, il le dit d'ailleurs. Ça, cela ne sera pas toujours drôle, mais je l'ai voulu ainsi. Donc voilà. Donc deux femmes avec des noms, noms et prénoms qui commencent par un Y, lettre rare dans l'alphabet. Oui, ça a d'ailleurs beaucoup frappé Desnos qui croyait aux signes. Ah, et oui. Que disait-il de cet Y ? Eh bien, par exemple, Sir Amour raconte bien ce poème, raconte bien comment il est passé de l'une à l'autre, mais c'est la même, puisqu'elles ont la même initiale du prénom. Et dans ce prénom, la forme même de cet Y, il y a la bifurcation dans cet Y majuscule, qui montre bien qu'il y a convergence de deux voies, Yvonne et Yuki, vers un amour unique, celui de la femme à la fois rêvée et réelle. Et puis la lettre Y qu'on retrouve dans certains dessins de Robert est quand même le symbole du sexe féminin. Absolument, voilà. Avec les jambes ouvertes. Voilà. Troisième émission. Prélude à l'après-midi, alors ça s'appelle Robert Desnos, connu et méconnu. C'est une émission de quelqu'un que j'aimais beaucoup, que j'ai eu la chance de connaître, qui était une poétesse qui s'appelle Eve Grilliquez. Et on y entend en ouverture alors ce morceau absolument fabuleux qui s'appelle La sérénade du rôti de porc, Jacques Frankel. Oui, écoutez, c'est un plat auquel Robert a été fidèle, rôti de porc aux punaises. faisait partie de ces mets qu'il préparait avec attention, disait-il. Évidemment, il n'en était rien, mais... Vous savez faire la cuisine, vous ne savez pas ça? Je crois qu'il faisait beaucoup la cuisine. Il avait fait un livre de cuisine et jusque dans les instants tragiques de la déportation, il faisait plaisir à ses camarades en évoquant des plats les plus magnifiques qu'on puisse cuisiner alors qu'il crevait de faim. C'est une émission qui rend compte de ce que, très bien, de ce qu'on éprouve en lisant Desnos, c'est-à-dire une joie fabuleuse. Il n'était pas seulement drôle, mais il était joyeux, Desnos. C'est très étonnant, enfin, quand on sait aussi à quel point il pouvait être dans la noirceur, dans l'amour plus que malheureux, dans la déréliction parfois, etc. Néanmoins, il y avait cette espèce de joie qui parcourt tout son œuvre. C'est fabuleux, ça, Marie-Claire Dumas. Oui, Desnos était un homme qui aimait profondément la vie et tout ce qu'elle offrait. C'est pourquoi d'ailleurs il a été plus ouvert que d'autres à tout ce qui était invention de l'époque, la radio, le disque, le cinéma, l'opéra. Tout cela attirait, disons, de manière très positive son désir de création. C'était un homme qui était un créateur né. Et donc, pour l'être, il fallait bien qu'il y ait un principe de vie. Et il n'a jamais démenti cela jusqu'à la fin de sa vie. C'est bien ce qu'ont dit d'ailleurs ses camarades de camp en déportation. Il était toujours là pour rappeler aux gens que la vie était là, qu'on était entre humains et qu'il fallait respecter l'humanité. Tout cela l'a porté jusqu'au bout. Et donc, c'est vrai qu'il avait de grands moments de déréliction, de tristesse, d'abattement peut-être, mais ce n'était que le revers de l'autre côté qui était le sens de la joie. Notre ami André Bessières, qui fut compagnon de déportation de Desnos, jeune résistant arrêté à 16 ans, qui a fait tout le parcours avec Robert, raconte cette soirée absolument invraisemblable au fin fond de Floa, je crois, au Flossenbourg, camp d'extermination par le travail, où un soir de grand abattement de la chambrée, Desnos a fait irruption en disant « Mais Zébi, ce soir, c'est une fête incroyable, je viens de rencontrer une femme la plus belle qui soit, élégante, pleine de bijoux, soignée, peignée, maquillée. Apprêtez-vous à la recevoir. » Donc arrêtez ces visages abattus. reprenez-vous, parce qu'elle va venir vous souhaiter le bonsoir. Et puis l'oncle, les copains se sont un peu ressaisis, il est allé à la porte, évidemment il l'a ouverte, il n'y avait personne, bien entendu. Et ses camarades ont été fous de joie, l'ont remercié, parce que pendant quelques minutes, ils ont cru que cette femme était là, ils ont cru au bonheur, à la joie. Et donc ça, c'est toute l'invention de Robert, je vous dis, dans la plus grande détresse qui soit, il avait encore ces éclairs fantastiques. Une belle idée de cette énergie et de cet amour pour la liberté. Et la dédicace adressée à Théodore Frankel, votre oncle, justement, de ce livre, de ce texte magnifique qui s'appelle « La liberté ou l'amour ». Je cite, Desnos écrit « L'amour est le lieu de rencontre de l'esprit et de la matière et le seul domaine où tous les deux puissent se manifester » dans leur plus extrême liberté, à la fois donc l'esprit et le corps et la matière. Mmh. Et ça, c'est magnifique. Et il croyait vraiment à la toute-puissance de la liberté et du désir. Enfin, absolument. C'était une énergie folle. On peut lire, oui, ainsi. Inséparable de l'amour. Inséparable de l'amour, inséparable de la liberté. Oui. Il y avait une grande... Au fond, il y avait une grande unité dans l'œuvre et dans la vie de Desnos, Marie-Claire Dumas. Je le crois. C'est-à-dire qu'on a pu quelquefois opposer, indiquer une rupture, période surréaliste et après, période de la radio, et après, période de la guerre, qui étaient des périodes que l'on considérait du point de vue de la littérature, des œuvres produites, moins riches. Ça peut se discuter, mais en tout cas, ce qui reste le fil conducteur du début jusqu'à la fin, c'est le désir d'expérimentation, c'est l'hypothèse qu'on peut toujours trouver des solutions nouvelles, littéraires ou autres, aux problèmes que l'on se pose. C'était donc une espèce de profonde confiance dans l'homme, ses capacités, et dans la liberté de la création. Donc, il a toujours été sur cette ligne, quels que soient les lieux où il s'est exprimé, le groupe surréaliste, le journalisme, le cinéma, le roman, la peinture le dessin, oui. Et la peinture. Parce très que beau même, dessinateur, naturellement. Il n'est pas mauvais dessinateur, peut-être. En tout cas, il s'y lance et il n'a pas peur de s'y lancer. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Oui, en effet. Alors, on écoute les émissions Desnos et Paris la nuit chez Desnos, ensuite Robert Desnos à ciel perdu, et puis le prélude à l'après-midi, donc avec la fameuse sérénade du rôti de porc, qui va, je crois, j'espère, plaire à tout le monde. Surtout en plein milieu de la nuit, c'est tout à fait réjouissant. Et nous nous retrouvons après, si vous voulez bien, avec Dumas, Jacques Frankel. Volontiers. Christine Goémé.